Bonjour et merci d'être fidèle à l'émission L'Histoire en vidéo sur les Mérovingiens. Donc nous avons vu que Clovis, premier roi mérovingien, est mort en 511 en laissant son royaume, un grand royaume, à ses fils. Alors la question ici est de savoir si la succession de Clovis aurait pu bien se passer. On pourrait répondre oui dans un premier temps. Contrairement à la théorie de certains historiens, la succession chez les Mérovingiens obéit à des règles. La transmission est masculine, avec un droit exorbitant pour l'aîné, en raison d'un principe de primogéniture. Parmi les quatre fils de Clovis, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire, l'aîné est Thierry, fils d'un premier mariage de Clovis et d'une princesse thuringienne. Il hérite du titre honorifique, donc, de Rex Francorum, et d'un énorme territoire, l'Austrasie, dans le nord-est du royaume, comprenant les villes de Reims, Metz, Toul, Trèves, et l'Aquitaine, dans le sud, Arles, Clermont-Ferrand, Toulouse, ainsi que des villes relais qui permettent la jonction entre ces deux territoires qui ne sont pas contigus, Bourges, Nevers et d'autres villes. Ensuite, ce sont les trois fils de Clotilde qui se répartissent de façon égale un territoire qui correspond au tiers du premier. Clodomir, roi d'Orléans, hérite d'un territoire qui va de Sens à Poitiers. Childebert, roi de Paris, a un territoire qui va de Paris à la Bretagne, en passant par la Normandie. Clotaire, roi de Soissons, hérite du cœur du royaume franc, un territoire qui comprend Tournai, ville natale de Clovis. Bien que partagé, le pays reste unique. Sa capitale politique, où Clovis est enterré, dans l'église des Saints Apôtres, est Paris. Sa capitale religieuse, Orléans, ville bien protégée de murailles puissantes et où se tiennent, peut-être à cause de son système défensif efficace, les conciles nationaux qui rassemblent les 100 et quelques évêques issus des diocèses du Regnum Francorum. La capitale culturelle reste Soissons. Et la capitale originaire, comme Albe pour les Romains, Tournai, où se trouve le tumulus de Childéric, père de Clovis, et lieu de naissance de Clovis. Conscient que le royaume est un, alors que les têtes couronnées sont plusieurs, les fils de Clovis coopèrent entre eux la plupart du temps, et surtout quand il s'agit de politique étrangère, de relations avec les peuples qui vivent aux frontières, aux limes, du Regnum Francorum. Les rapports avec ces peuples alternent d'ailleurs entre négociations de paix, mariages arrangés et guerres. C'est ainsi que Clotaire s'allie à son frère Thierry contre les Thuringiens en 533. Autre exemple, Childebert, Clotaire et Tibère, Clodomir est mort en 524 et Thierry en 533, s'unissent pour combattre Godomar III, roi de Bourgogne. Quand la Bourgogne est annexée par les rois francs, ils se la partagent à part égale. Ce front commun, quand il s'agit de rapports avec les peuples voisins du Regnum Francorum, bénéficie au royaume qui, à la mort de Clotaire, est agrandi au nord-est par les conquêtes territoriales de Thierry et aux dépens des Alamans et des Thuringiens, et au sud par l'acquisition de la Provence achetée par Tibère, fils de Thierry, en 537. Les choses auraient pu en rester là. Malheureusement, malgré un certain légalisme et un respect des règles édictées par l'Église et la tradition paternelle, rivalité et jalousie affleurent entre les frères. Mais ce qui va faire basculer cet équilibre précaire, cette entente cordiale, un peu froide, mais qui marche entre les frères, c'est lorsque Clotilde, leur mère, va vouloir se mêler d'affaires étrangères. La suite dans le prochain podcast. Merci et à bientôt.